290 là. Je divisé en 80, ça non, en 90. On se fait un truc cool. Ça suffirait. Hein, Steve? T'es d'accord? Ah, peut-être. Ah non, ça va être un peu mou. 80, merde. Ouais, 80. C'était. Peut-être, ouais, allez, 90. Allez. Adjugé vendu, 90. Allez, je mets une petite batterie. Oh, qu'est-ce qui s'est passé sur ce truc? Ça a touché. Posons la batterie. Ah, là, voilà la batterie. Ah, ben, ils sont tous partis. Hein. Je crois qu'on les a dérangés. C'est pas grave, reste là. Yeah.